السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous allons étudier aujourd'hui, inshallah ta'ala, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été affirmé par de grands savants. المحسن لم يرد هذا الاسم في القرآن اسما وإنما ورد فعلا كما في قوله تعالى وأحسن أو أحسن كما أحسن الله إليك وقوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وقوله تعالى وقد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا وقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. Parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc Al-Muhsin, le bienfaisant. Et ce nom-là n'a pas été mentionné en tant que tel dans le Coran, mais plutôt dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, nous trouvons dans le noble livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran ou le Karim, l'action de bienfaisance, l'attribut d'Allah subhanahu, duquel on tire l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bienfaisance, l'ihsan. Dans Surat Al-Qasas, la traduction du sens du verset est « Sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi ». Dans Surat Yusuf, « Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne ». Donc Yusuf alayhi salam a dit « وَقَدْ أَحْسَنَ بِي » Il a été bienfaisant envers moi, c'est-à-dire Allah, lorsqu'il me fit sortir de prison. On trouve également dans Sourate At-Talaq « قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا » Allah lui a fait une belle attribution. Allah lui a donné sa subsistance avec bienfaisance. Dans Suratu As-Sajda, celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé et a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Celui qui a parfait toute chose qu'il créa. Celui qui a parfait toute chose qu'il a créée. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Dans Surat Al-Mu'minun, Fatabarakallahu Ahsanul Khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des Khaliqin. Waja'at Sunnah. بإثبات هذا الاسم لله عز وجل في ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, nous avons l'affirmation de ce nom pour Allah subhanahu wa ta'ala, et cela à trois reprises, dans trois hadiths différents. Le premier حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين رواه الطبراني وأبو نعيم قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده جيد. Le premier hadith dans lequel a été mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Muhsin est le hadith de Anas ibn Malik. Le hadith de Anas ibn Malik. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous jugez, soyez équitable. Et lorsque vous tuez, faites-le avec bienfaisance. Faites-le dignement. Et car certes, Allah est bienfaisant, il aime la bienfaisance. Car certes, Allah est bienfaisant, il aime la bienfaisance. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani, Abu Nu'aym, et Al-Hafidh Al-Haythami nous dit dans Majmu' Al-Zawaid, Rijaluhu Thiqat, que les hommes de ce hadith sont des hommes fiables. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dit dans Silsilat Al-Sahiha que le sanad est jayyid, que la chaîne de transmission est bonne. Rahimahumullah. Al-Thani hadith Shaddad ibn Aws. Le second hadith est celui de Shaddad ibn Aws radiallahu anhu. Qad. Hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ithnatayn. J'ai mémorisé du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam deux choses. Qal. Inna allaha muhsinun yuhibbu l'ihsana ila kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu l'qitla. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وَغَيْرُهُ. Donc, ce hadith, dont la base est dans Sahih Muslim, et le hadith de Shaddad ibn Aws. J'ai mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam deux choses. Certes, Allah est bienfaisant. Il aime la bienfaisance dans chaque chose. Il aime qu'on adresse la bienfaisance à chaque chose. Lorsque vous tuez, faites-le de la plus belle manière. Et lorsque vous égorgez la bête, faites-le avec excellence ou bienfaisance. Et faites-le de la meilleure manière. Sacrifiez de la meilleure manière. Et que le sacrificateur aiguise bien sa lame. Et qu'il laisse sa proie, yani ce qu'il a sacrifié. C'est-à-dire, après l'avoir sacrifié, il ne faut pas la tenir et l'empêcher de se vider, de se débattre. Il faut la lâcher. Donc on a dans ce hadith, Inna Allaha muhsinun, certes Allah est bienfaisant. Dans le troisième hadith, le hadith de Samurat ibn Jundub radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا فإذا قتل أحدكم فليحسن أو فليكرم مقتوله وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah est bienfaisant, soyez donc bienfaisant. Lorsque vous tuez, lorsque l'un d'entre vous tue, qu'il honore sa, yani celui qu'il sacrifie. Qu'il honore celui qu'il tue. Ou qu'il soit bienfaisant envers lui. Précisément. Lorsqu'il sacrifie la bête, qu'il aiguise sa lame et qu'il la lâche par la suite. Qu'il lâche la bête. وهذه الروايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. Toutes ces versions de récits prophétiques, lorsque nous les réunissons, elles nous indiquent que parmi les noms d'Allah, il y a bien Al-Muhsin, celui qui fait le bien. وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم وكثر التعبيد لله به. La mention et l'affirmation du nom d'Allah, Al-Muhsin, a été mentionnée durant les paroles des savants, des gens de science. Et lorsque nous lisons les livres des savants, nous nous apercevons qu'ils mentionnent le nom d'Allah ou bien Al-Muhsin comme faisant partie des noms d'Allah. وَكَثُرَ التَّعْبِيدُ لِلَّهِ بِهِ. Et beaucoup ont appelé leur fils Abdul Muhsin, l'esclave d'Allah, le servant d'Allah, l'adorateur de Al-Muhsin, à savoir d'Allah, à savoir du bienfaisant. Al-Ta'bid Lillah, c'est-à-dire mentionner le ou appeler l'enfant le serviteur ou la servante, puis on met un des noms d'Allah. C'est ce qu'on appelle At-Ta'bidu Lillah. Qala Sheikh al-Islam, rahimahullah, wa kana Sheikh al-Islam al-Harawi, qad samma ahla baladihi bi'ammati asma'illahi al-husna, wa kathalika ahlu baytina ghalaba ala asma'ihim At-Ta'bidu Lillah, كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن. وذكر بعض أسماء الله الحسنى. هذا في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجي الشيخ le savant de l'islam الهاراوي appelé dans sa région, a nommé beaucoup de personnes par le serviteur et ensuite il mettait un des noms d'Allah. Et c'est ainsi qu'ont pris le dessus ce genre de nom, pareillement dans notre famille. On trouve Abdullah, l'adorateur d'Allah, le serviteur d'Allah, Abdurrahman, le serviteur du tout miséricordieux, Abdul Ghani, le serviteur du riche, du suffisant, Abdus Salam, le serviteur de As-Salam, Abdul Qahir, le serviteur du dominant, Abdul Latif, le serviteur du doux, Abdul Hakim, le serviteur du sage, Abdul Aziz, le serviteur du puissant, Abdul Rahim, le serviteur du très miséricordieux, et Abdul Muhsin, le serviteur du bienfaisant. Donc ça, c'est lors d'un écrit de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, le tome 1, page 379. وقال ابن القيم رحمه الله وإقرار قلوبنا بأن الله الذي لا إله إلا هو وأنه حكيم كريم محسن إلى أن قال ولا أحد أحب إليه الإحسان منه فهو محسن يحب المحسنين. هذا كلام في طريق الهجرتين. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي. Et le fait de reconnaître, ou bien reconnaître de par nos cœurs qu'Allah est celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Et plus loin, elle nous dit, et qu'il est le sage, le noble, le bienfaisant, le muhsin. Plus loin, et nul n'aime plus que lui la bienfaisance. Il est bienfaisant, il aime les bienfaisants. Cette parole est dans Tariq al-Hijratayn, page 120. Passons maintenant, chers auditeurs, au sens du nom d'Allah al-Muhsin. Wa ma'ana ismi Allah al-Muhsin yarji'u ila al-fadl wal-in'am wal-jud wal-ikram wal-mann wal-ata' wal-ihsan. والإحسان وصف لازم له سبحانه لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم Quant au sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhsin, le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhsin, revient à plusieurs notions de bienfaisance, de noblesse, de générosité. Donc, on explique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que c'est celui qui est bienfaisant, le détenteur de la grâce des bienfaits, celui qui est généreux, qui est noble, qui accorde ses grâces et ses dons. Donc Al-Muhsin revient au sens de la bienfaisance, de la générosité, du don. Celui qui fait don de ses grâces et tous ces sens-là, d'excellence et de bienfaisance. Aucun être vivant ne reçoit pas de la bienfaisance d'Allah, ne jouit pas des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun être ne sera un être privé, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Allahu Akbar. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala baignent dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune n'en est privée, ne serait-ce ni même le temps d'un clin d'œil. Allah azza wa jal leur a donné l'existence. Allah azza wa jal les comble de ses bienfaits. Allah tabaraka wa ta'ala leur donne leur subsistance. Et c'est lui qui nous dit dans Surat al-Sajda, sur la traduction du sens du verset, c'est lui qui a créé toutes choses à la perfection. Il a commencé la création de l'homme, ou a instauré la création de l'homme à partir de l'argile. Il nous dit également dans Surat al-Taghabun, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Il vous a donné votre forme, et quelle bonne forme il vous a donné. Et vers lui est le devenir. وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين. La plus grande des bienfaisances, le plus grand des bienfaits est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite en nous permettant de suivre cette religion qu'est l'islam, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle qu'il agrée et a légiférée. Le plus grand des bienfaits qu'Allah accorde à son serviteur, c'est lorsqu'il lui donne la réussite pour lui permettre de suivre cette religion. Et lorsqu'il élargit sa poitrine, pour qu'il observe l'obéissance d'Allah le Seigneur des mondes, qu'il l'affermisse sur la vérité, sur la guider, et cela jusqu'à la mort. jusqu'à la mort, c'est la plus grande, c'est le plus grand bienfait. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fasse musulman, te guide à l'islam, qu'il te sauve du polythéisme, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fasse aimer son obéissance, te permette de lui obéir, te permette de te prosterner devant lui, te permette de te voiler pour lui, te permette de sortir la zakat pour lui, te permette de le mentionner, de l'invoquer, de l'aimer, de le craindre, de le redouter, de n'espérer que ce qui est auprès de lui, de ne redouter que la menace qui se trouve auprès de lui. C'est le plus grand bienfait. Puis Allah Azza wa Jal t'assiste, te raffermit sur cette voie de vérité, augmente ta guidée et te préserve sur cette noble voie jusqu'à la mort, jusqu'à ce que ton âme sorte. Ça, c'est le plus grand bienfait. إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان نسأله سبحانه من فضل العظيم وإحسانه الجزيل. Au point qu'Allah couronne le tout par la plus grande noblesse, par la plus grande noblesse et l'honneur le plus sublime, il te permet d'entrer dans les jardins du paradis. Il te permet d'entrer le jour de la résurrection dans les jardins du paradis. Puis il te permet la vision du noble, du tout miséricordieux, du bienfaisant, de celui qui dispense ses grâces, nous lui demandons, de par sa grâce immense et sa bienfaisance incommensurable, de nous accorder ses dons et tout cela. ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يقتربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه فهو الرحمن يحب الرحماء وهو الكريم يحب الكرماء محسن يحب المحسنين قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Par la suite, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs se rapprochent de lui, aime que ses serviteurs se rapprochent de lui en fonction de ce qui découle du sens de ses noms. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il aime donc ceux qui ont de la miséricorde. Allah est noble, il aime les nobles. Il est généreux, il aime les généreux. Il est bienfaisant, il aime les bienfaisants. C'est pour cela que dans Sourate Al-Baqarah, il nous dit, et soyez bienfaisants. Selon la traduction des sens du verset, il nous dit, et soyez bienfaisants. Certes, Allah aime les bienfaisants. Il nous dit également dans le Qasas, et sois bienfaisant, tout comme Allah l'a été envers toi. Et sois bienfaisant, tout comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et dans Sourate An-Nahl, ou avant ça, Rahman, y a-t-il d'autres récompenses pour la bienfaisance que la bienfaisance elle-même? Et dans Sourate An-Nahl, certes Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants, ceux qui agissent avec excellence. وَالْإِحْسَانُ مِنَ الْعَبْدِ وَأَعْلَى مَقَامَةِ الدِّينِ وَأَرْفَعُهَا كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلِ الْمَشْهُورِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَفَسَّرَ الْإِحْسَانَ فِي الْحَدِيثِ بِأَنْ يَعْبُدَ اللَّهِ بِأَنْ يَعْبُدَ رَبَّهِ كَمَا يَرَاهُ فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء وهذا إحسان وهذا إحسان في عبادة الله وأشرف الدين وأرفع مقاماتي كما تقدم. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى عباد الله برا بالوالدين وصلة للأرحام ووفاء بالحقوق وإعانة لذوي الحاجات وكف فالأذى عن الناس والاجتهاد في إيصال الخير لهم إلى غير ذلك من الإحسان لعباد الله. Ce qui est voulu par la bienfaisance lorsqu'il s'agit du serviteur, l'ihsan émanant du serviteur est le niveau le plus haut de la religion, son degré le plus élevé. Tout comme cela a été mentionné dans le célèbre hadith, le hadith Jibril de Omar ibn Khattab dans Sahih Muslim. Lorsque le prophète sallam a été questionné, informe-moi au sujet de l'excellence, il a répondu, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc l'excellence, tu adores ton Seigneur comme si tu le voyais, avec la perfection de l'amour. La perfection du désir et de l'amour. Et si toi tu ne le vois pas et tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, ben tu ressens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et rien de toi ne lui est caché. Ça c'est l'excellence dans l'adoration d'Allah. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Soit avec la perfection de l'amour, soit avec la perfection de la crainte. C'est le point le plus noble de la religion. Son degré le plus haut, le plus élevé, comme on l'a mentionné. Entre aussi dans la bienfaisance du serviteur envers les créatures d'Allah et ses serviteurs, la bienfaisance envers les parents, lier les liens de parenté, s'acquitter de ses devoirs, aider ceux qui sont dans le besoin, retenir ses membres de toute nuisance afin de ne nuire à personne, ni causer du tort à personne. Le fait de faire des efforts pour propager le bien autour de nous et faire don de ce que l'on peut et toute autre forme de bienfaisance. Et une des plus grandes bienfaisances, Ikhwan al-Kiram, la propagation de la science, le fait d'enseigner à l'ignorant, le fait de lui apprendre à lire, à écrire la langue arabe, le fait de lui apprendre à comprendre l'arabe, à le parler, le fait de lui faire connaître son Seigneur, le fait de lui faire connaître son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de lui faire connaître les enseignements de sa religion et ses préceptes, la purification, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, les nobles caractères, le fait d'orienter les gens vers ce dans quoi il y aura leur bien dans ce bas monde et l'au-delà. La récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, la préservation contre le feu de l'enfer. Ceci est la plus grande bienfaisance que tu puisses donner à une personne. Si Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné à la femme prostituée jadis, parce qu'elle est descendue dans un puits, elle a pris de l'eau, et en sortant elle a vu un chien laper l'humidité du sol, elle est redescendue. Elle a pris ses chaussons, les a remplis d'eau, ou en a rempli un d'eau, et remonté avec pour abreuver un kelb, un chien. Fashakarallahu laha, farafara laha. Allah Azza wa Jal l'a récompensé des suites de cela pour son action de bienfaisance envers un animal. Envers un animal, un chien. Parce qu'elle lui a donné de l'eau. Cette eau avec laquelle il y a la vie du corps et la vie de la terre. C'était une femme dépravée. Voyez-vous ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait d'elle pour cette bienfaisance envers l'animal. Il lui a pardonné ses péchés. Allahu Akbar. Il lui a pardonné ses péchés. Que pensez-vous, mes chers frères? Que pensez-vous de celui qui étudie le tawhid, applique le tawhid, qui a été bienfaisant envers lui-même et son âme, l'a affranchi de par la science utile des actions pieuses. Puis il propage le tawhid. Il propage le sunnah. Que pensez-vous qu'Allah fera de lui, suite à cette bienfaisance qu'il prodigue autour de lui? On a une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est que chaque personne qui enseigne cela, près de lui, autour de lui, on a la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala va lui donner une énorme récompense et une grande bienfaisance. Car la rétribution est en fonction de l'action faite. Avec le tawhid, avec l'islam, il y a la vie des cœurs, il y a la vie réelle du corps. Et il y a surtout la vie éternelle dans l'au-delà, dans les jardins d'Éden. Ça, c'est la bienfaisance. Ça, c'est la bienfaisance. La bienfaisance des gens de science envers nous. Nous n'avons pas assez de mots pour les remercier, mais on invoque Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wajzihim 'anna khayra al-jaza. Demande à Allah de leur accorder son pardon, sa miséricorde et de leur donner l'énorme récompense. Toute personne qui nous a enseigné, toute personne qui a été la cause de notre guidée, en commençant par nos parents. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Donc ceci était une parenthèse sur une bienfaisance afin qu'on n'en soit pas distrait. C'est la bienfaisance de la propagation de la science. Une des plus grandes bienfaisances, la bienfaisance des parents envers leurs enfants. Les mettre au monde, les éduquer, les changer, les nourrir, les abreuver, les laver, les protéger, les insomnies pour que eux dorment. Naam, quelle bienfaisance qu'est celle-ci. Le fait de leur enseigner des choses profitables dans la religion et dans la dunya, le fait de les corriger, de les orienter, d'invoquer en leur faveur, de les porter sur le dos à la naissance, mais même jusqu'à la fin des jours de ses parents. Ils nous portent sur leur dos, subhanallah. Allahumma ighfir lahum wa rahamhum. Kama rabbawna sighara. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous promet l'énorme récompense. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Donc si toi tu es bienfaisant, Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, sur la traduction des sens du verset, y a-t-il d'autres récompenses pour la bienfaisance si ce n'est la bienfaisance? Attends-toi, ô toi le bienfaisant, ô toi le bienfaiteur, à recevoir la bienfaisance de Al-Muhsin, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Ghani, Al-Shakur. Et dans Surat Yunus, Lilladina Ahsanul Husna wa Ziyada. Ceux qui agissent en bien auront al-husna, la meilleure chose, et un avantage. Al-husna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le paradis. Et al-ziyada, c'est l'honneur de contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans Surat At-Tawbah, Allah Ta'ala nous dit « Inna Allah la yudhi'u ajr al-muhsinin » Certes, Allah ne fait pas disparaître la rétribution des bienfaisants. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. « Wa min thimari al-ihsani al-azima fi al-dunya anshirahu sadri al-muhsin wa tibu nafsi wa tuma'ninatu qalbih » ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام عظيم له عن أسباب شرح الصدر. Et parmi les effets sublimes de la bienfaisance obtenue dans ce bas monde, l'élargissement de la poitrine du bienfaiteur. Le fait qu'Allah Azza wa Jal lui donne la bonté d'âme. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui accorde l'apaisement du cœur et la sérénité. Ibn al-Qayyim nous dit, Minha, yani parmi les causes de l'élargissement de la poitrine, الإحسان إلى الخلق ونفع بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرح فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا Parmi les causes pour l'obtention de l'élargissement de la poitrine, la bonne humeur, l'apaisement, la sérénité, la quiétude, la tranquillité, il y a la bienfaisance envers les créatures d'Allah. À travers l'aide qu'on peut leur apporter, qu'elle soit financière ou par le statut dont nous disposons, ou encore à travers des interventions personnelles. Et à nous les aidons avec notre corps, par exemple porter des charges lourdes, ou réparer quelque chose, ou l'accompagner quelque part. Elle est toutes sortes de bienfaisance, car certes, le noble, le généreux, le bienfaiteur est celui qui a la poitrine la plus élargie, celui qui a l'âme la plus bonne, la plus apaisée, la plus paisible, celui qui a le cœur le plus réjoui. Quant à l'avare, le radin, celui qui n'a aucune forme de bienfaisance, aucune bonté, ce dernier est celui qui a la poitrine la plus resserrée. C'est l'être le plus anxieux, c'est celui qui a la vie la plus pénible, la plus misérable, celui qui vit le plus dans les soucis et l'anxiété. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجري في ثيابه ويعفي أثره حتى يجر ثيابه ويعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه فهذا مثل انشراح الصدر المؤمن المتصدق وان في ساح قلبه ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه انتهى كلامه من الزاد زاد المعاد. Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous mentionne, ou plutôt avant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en parabole dans le Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, une parabole qui est une comparaison entre l'avare et le généreux qui fait des aumônes. Il les a comparés à deux hommes revêtus d'un bouclier en fer. À chaque fois que le généreux songe à faire une aumône, son armure s'élargit et se détend. Tant et si bien qu'il commença à traîner ses vêtements derrière lui. Ses vêtements qui effacèrent ses traces. Par contre, dès que l'avare pense à faire une aumône, chaque maillon reste en place sans jamais s'élargir. C'est là l'exemple du croyant qui fait don avec largesse, dont la poitrine s'élargit. Et le cœur se détend, na'am, et celui de l'avare dont la poitrine se rétrécit et dont le cœur se resserre. Pour finir, وَأَمَّا ثَوَابُ الْإِحْسَانِ فِي الْآخِرَةِ. Quant à la rétribution de la bienfaisance dans l'au-delà, فَكُلُّ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّهُ الْأَعْيُنْ وَيَنَالُهُ الْمُحْسِنُونَ. Quant à la récompense, la rétribution dans l'au-delà, c'est quoi? C'est tout ce que l'âme désirera. Et tout ce qui procurera plaisir à l'âme, tout ce qui amènera la réjouissance des yeux, tout cela sera acquis par les bienfaiteurs. قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. On nous dit dans le verset de Sourate Az-Zumar, ils auront tout ce qu'ils souhaitent auprès de leur Seigneur. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Voilà la récompense des bienfaisants. Ô toi qui agis dans la bienfaisance, ô toi qui tentes d'agir dans la bienfaisance lorsque tu adores ton Seigneur, lorsque tu fais ta prière, tu essayes de la faire avec bienfaisance, avec excellence. Lorsque tu comportes avec tes parents, lorsque tu comportes avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton époux, avec tes voisins, avec ta propre personne, tu es avec tes amis, avec tes proches, avec tes enseignants, avec tes étudiants, avec tes élèves, avec et avec. Ben sache que cela est la récompense des bienfaiteurs, des bienfaisants. C'est que tu auras, Inch'Allah, tout ce que tu désires auprès de ton Seigneur. Telle est la récompense, la rétribution des bienfaiteurs. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُمْ بَيْنَ الثَّوَابَيْنِ بَيْنَ الثَّوَابَيْنِ الْمُعَجَّلِ وَالْمُؤَجَّلِ فِي قَوْلِهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et certes, Allah a uni entre les deux rétributions, celle qu'on a apprêtée dans ce bas monde et celle qu'on a retardée dans l'au-delà. Dans Sourate Ali Imran, Allah leur accorda donc la récompense de ce monde et la belle récompense de la vie de l'au-delà. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Ja'ana Allahu minhum bimanni wa karami. Puisse Allah nous joindre à eux, aux bienfaisants, de par sa grâce et sa générosité. Ainsi, mes très chers frères, s'achève ce cours. فنسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وكرمه أن يرزقنا أجمعين جنته جنات النعيم وأن يجمعنا في دار كرامته بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Un de nos chers frères de Tonon les Bains notre frère Mohamed Amin, a une épreuve. Alhamdulillah ala kulli hal, c'est que sa mère a été contaminée, touchée de cette pandémie qui est le coronavirus. On invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, ainsi qu'en faveur des croyants et malades. Fanasallaha subhanahu wa ta'ala bimanni wa karamihi wa huwa shafi wa huwa al-muhsin wa huwa al-jawad wa huwa al-rahim wa huwa al-barr an yamunna alayha bil-shifa il-ajil wa an yaj'ala hadha al-ibtila mukaffiran wa rif'atan laha fi al-darajat. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.